chercher à nous plaire. J'ai qui dit peut suffire, brillante fiction de nos actions. Humainement, t'en es où ? Humainement. Dévier nos sueurs pour plus de douceur. Humainement, t'en es où ? Humainement. À rêver, à rire, tourner nos guéguerres dans un champ d'amour. Tourner, manifester le temps de nos penchants, de nos vents. Humainement, t'en es où ? Humainement, à rire, à pleurer. À redire et refaire. Humainement, je te suis, je t'entends.